Une plaisanterie sous la terreur par Gaston Cerber. Au cours d'une tournée d'inspection, mon oncle avait recueilli une étrange histoire qui courait sur un aliéné, détenu au commencement de ce siècle dans une maison centrale du Midi de la France. Je la transcris telle que je l'ai entendu raconter souvent, et comme un trait sanglant des mœurs de cette époque extraordinaire, qui a vu tant de ces petits drames poignants rester ignorés des historiens. Chapitre 1er. Dès les approches de la Révolution, Henri de Casnac de Perras, bien qu'appartenant à une des grandes familles du Midi, s'était montré farouche démagogue, esprit étendu mais aigri, disait-on, par des déceptions d'amour dont sa situation de cadet de famille avait été la première cause. Il était devenu misanthrope par envie, républicain par ambition, quoique sincère. Il était certes estimé autour de lui par sa vie simple, son honnêteté, sa rude franchise, mais détesté par tous ceux, et ils étaient nombreux, qu'il avait froissé avec son accueil bourru, ses allusions méchantes, ses réponses brutales, ses vertes critiques, ses épigrammes mordantes. Il ne faisait pas bon être son ennemi. Il était plus dangereux encore peut-être d'être son ami, et on ne le restait pas longtemps. Pourquoi cet homme fut-il choisi par ses concitoyens pour les représenter à la Constituante, puis à la Convention ? C'est un problème dont la solution n'effraiera pas ceux qui ont quelque expérience en matière électorale. Individuellement, tous ces gens le haïssaient du fond du cœur. Mais en masse, ils subissaient l'influence de son esprit supérieur, de sa conviction républicaine, de ses critiques acerbes et justes en apparence, contre un état de choses dont tous souffraient sans trop en discerner la raison. Bref, ils crurent, comme tant d'autres, que d'un régime nouveau sortiraient le bien-être et la richesse, et le cadet démocrate l'emporta à une forte majorité sur le président du bailliage, représentant des idées monarchiques. Plus tard, on s'aperçut dans le pays qu'on avait peut-être eu tort de sortir de sa retraite un homme aussi dangereux par ses haines aveugles. Les mauvais jours vinrent pour ce petit coin longtemps si tranquille, et sur des dénonciations envoyées de Paris, en haut lieu, des fournées de suspects furent enlevées, emmenées à Montpellier, à Toulouse, jusque dans la capitale, lorsque la prise en valait la peine. Et combien de cela ne revinrent jamais ? Chapitre 2e. En descendant à Paris, de la diligence qui s'arrêtait alors cours des Fontaines, Henri de Casnac de Perras avait pressé la terre fortement avec un mauvais sourire. Il prenait possession, lui, petit hobereau de province, vêtu du simple costume du tiers, de cette grande ville orgueilleuse et riche, et il rêvait déjà d'y parler en maître. Que de réclamations à formuler, que d'institutions à saper, que de privilèges à détruire. Les Parisiens, les nobles, les évêques et la cour, ils verraient qu'on comptait avec lui. Mais, avec ses idées extrêmes et ses projets subversifs du démagogue, le noble conservait la correction des mouvements, la finesse de la physionomie, où l'on pouvait tout lire, le verbe modéré et la langue impeccable. Dans ses premiers entretiens avec ses collègues du parti avancé, ses hardiesses de projet, débitées avec tranquillité, ses remarques incisives, dites d'un ton froid et sec, firent impression, et plus d'un se dit « Sectaire et ambitieux, cet homme ira loin. » Aussi vit-on bientôt les jalousies se manifester autour de lui et les envieux chercher à le compromettre. Mais le député du Midi, devenu Casnac tout court, restait inattaquable, étant, comme on disait alors, incorruptible. L'amitié de Saint-Just et de Robespierre, qui étaient eux aussi des élégants et des raffinés, l'avait installé à la tête du club des Jacobins, et il était là, tout puissant, ripostant vertement aux attaques, toujours en éveil, écrasant ses ennemis s'ils étaient faibles, ne leur laissant pas prendre le dessus s'ils étaient forts, car il sentait qu'une défaillance lui coûterait la tête. Sans relâche, il dénonçait les suspects et les timorés, correct et calme avec sa cravate luxueuse, sa badine à pommes d'or et son frac irréprochable. Chapitre 3e. À la table du club, il avait un collègue, un rival, Philippe Dubief, ancien boulanger, commandant de section de la garde nationale, représentant au sein du comité les quartiers ouvriers où il était très populaire. Violent, actif, tribun éloquent, il était l'adversaire le plus à craindre de Casnac, dont il partageait rarement les idées. Mais sentant leur puissance réciproque, et voyant bien qu'une lutte entre eux serait décisive, que l'un ou l'autre devrait y succomber sans retour, il s'était longtemps épargné, comme de lutteurs se mesurent du regard avant d'en venir aux mains. Mais un jour, Klotz, vice-président du club, fit une motion qui devait amener un éclat. Il proposa que tous les membres donnassent l'exemple de changer les prénoms empruntés à l'histoire sainte et à la royauté, Louis, Henri, Charles, Philippe, etc., pour les remplacer par des noms rappelant les grandes figures de Rome et de Sparte. Lui-même déclarait répudier le nom qu'il avait reçu au baptême et prendre celui d'Anacharsis. Il fit le tour de la table. Les premiers de ses collègues n'hésitèrent pas, choisissant pêle-mêle Romulus et Scaevola, Thémistocle et Solon, Sénèque et Démosthène. On attendait curieusement qu'il s'adressât à Cazenac, connu pour ses répugnances devant de tels enfantillages. Mais avant que Claude fût arrivé à lui, Dubief cria d'une voix goguenarde « Je propose à l'incorruptible Cazenac le prénom d'Aristocratides. » On rit beaucoup de cette saillie. Cazenac avait blêmi sous l'insinuation qui pouvait être dangereuse. « Moi, dit-il en se levant, les lèvres pincées, je n'ai pas besoin de chercher si longtemps pour notre collègue Dubief. C'est en latin Brutus, en français brut. » Le mot était juste, bien que grossier. Il eut un succès pareil à l'autre. Dubief se dressa rouge de colère et cria « Voilà une plaisanterie, Henri de Cazenac de Perras, qui pourrait te coûter cher. » Cazenac se contenta de lui jeter un regard méprisant et sortit sans ajouter un mot, tandis que son rival s'agitait encore avec fureur. La guerre était déclarée, et en apparence désolé de cette scission, mais intérieurement ravi, les membres du comité s'enfonçaient béatement dans leur fauteuil de cuir, prêts à compter les coups. Chapitre 4e. Dubief était résolu à ne rien épargner, ni peine, ni argent, pour découvrir le point faible de son ennemi. Car il était de ceux qui croient que tout homme a dans le passé ou dans le présent une chose cachée, une tare, une faute, un moment d'égarement, par où on peut le blesser ou le perdre. Mais en ce qui concernait Cazenac, ce n'était point facile. Son passé était loin, dans un pays perdu, où les renseignements étaient rares et lents à obtenir. À Paris, sa vie présente était à l'abri de toute critique, d'une austère moralité privée, d'une sincérité politique au-dessus de toute atteinte. Ses petits travers d'homme de bonne compagnie ne pouvaient lui être comptés comme un crime lorsque les chefs en donnaient impunément l'exemple. Au surplus, se sentant menacé, depuis la séance où il avait rompu avec Dubief, le conventionnel se tenait sur ses gardes, et il était facile de prévoir que rien dans ses actes ou ses paroles publiques ne donnerait prise à ses ennemis. Restait son existence privée. Là, Dubief pensait trouver l'occasion cherchée. Mais comme Cazenac tenait de trop près au comité du salut public pour que celui-ci désirât le voir compromis, il se garda bien de s'adresser à la police. Il fit appel à des compagnons des faubourgs. Il mit habilement en jeu l'amitié qui lui témoignait, leur haine des aristocrates, l'intérêt de la patrie menacée par des menées obscures, et il obtint sans peine le concours de quelques hommes dévoués et actifs qui se partagèrent la besogne de telle sorte qu'aucun acte de la vie du conventionnel ne se passa de leur contrôle. Ce fut là ce qui perdit Cazenac. Il avait trop été mêlé à la vie orageuse de la terreur pour ne pas flairer le policier, surtout s'attendant à une inquisition. Il ne se méfia pas d'ouvriers aux allures franches, espionnant avec simplicité, et sans les ruses toujours les mêmes qui s'apprenaient comme un catéchisme dans les bureaux du ministère de la police. Un mois après la discussion qui avait mis le feu aux poudres, un des agents de Dubief l'aborda mystérieusement. « Il y a du nouveau, » fit-il à voix basse. « Vraiment ? » s'écria Dubief. « Est-ce grave ? » ?»« Peut-être. » « Dis, vite. »« Je veux t'en laisser la surprise, » répondit l'ouvrier. « Es-tu libre ce soir, à la tombée de la nuit ?»« Oui, certes, pour une pareille promesse. »« Bien, à 9 heures, je te prendrai devant le club des Cordeliers. » « Fais en sorte que rien ne te fasse reconnaître. Soit, à ce soir. Ne pourrait-on au moins connaître la nature de ce mystère ? Non, mais je te promets une promenade intéressante et instructive. » Chapitre 5e. Au rendez-vous, chacun fut exact. Dubief se laissa guider dans les ruelles étroites et sales de la montagne Sainte-Geneviève jusqu'à la rue de l'Estrapade, qui, fort à point, se trouva déserte. D'ailleurs, si le jour il ne passait que bien peu de monde dans ce coin perdu, à plus forte raison la nuit, y voyait-on rarement des passants attardés. Le guide parcourut avec précaution les deux tiers de la rue, longea un vieux mur encadré de grands arbres, et s'arrêta avec son compagnon dans le renfoncement d'une vieille grille en fer, toute rouillée et cassée, qu'on ne devait pas ouvrir souvent, à en juger par l'herbe qu'avait verdi le pavé et envahi le pied des barreaux. « Nous allons attendre ici, » fit l'homme. Sans en demander davantage, Dubief s'accota contre la grille et rongea son impatience. La pause fut longue, tellement que par instant l'espion grommelait. « Est-ce qu'il ne viendrait pas ce soir ?» Laissant Dubief en faction, il pénétra dans un bâtiment contigu qui dominait le jardin, et bientôt son compagnon put l'apercevoir, s'accrochant au toit et scrutant l'obscurité. Un instant après, il revint se poster près de Dubief, en murmurant comme à lui-même. « Pourtant l'oiseau ne s'est pas envolé. » « De qui voulait-il parler ?» se demandait Dubief. « Sans doute une femme, une amourette soigneusement dissimulée. Misère. Y avait-il là de quoi perdre le conventionnel ? Non. À moins que, peut-être, quelque fille d'émigrée, le père sauvé par une complaisance coupable. » Et son imagination vagabondait sur cette hypothèse, faute d'une indication plus précise. Tout à coup, un pas sonore à l'extrémité de la rue le fit tressaillir. Son compagnon lui saisit le bras. « Ne bougeons pas, voici Kaznak !» Une pierre écornée dans un montant de la grille permit à Dubief de voir sans être vu. Son adversaire, couvert d'un long manteau, un feutre sur les yeux, arrivait rapidement en homme pressé. Il s'arrêta à une porte basse, contre le mur du jardin, et ouvrit avec une clé. « En route, » fit l'homme, « il est temps. »« Où allons-nous ? » dit Dubief. « Nous allons savoir ce que pense M. de Kaznak, » répondit l'émissaire en ricanant. Et cédant des barreaux de la grille, il escadala le vieux mur, après quoi il aida son compagnon moins agile à suivre le même chemin. Puis, ils se glissèrent à travers les arbres du jardin vers la fenêtre éclairée, au bas de laquelle ils s'accroupirent avec les plus grandes précautions. Elle était entr'ouverte et deux voix se faisaient entendre, une voix d'homme, autoritaire, que Dubief reconnut aussitôt, et une voix de femme âgée, une voix humble et embarrassée. « Pas de chance, » murmura l'ouvrier, « le jeune homme n'est pas à la maison. »« Mais quel jeune homme ? Attends, tu vas le savoir. » La voix de Kaznak montait, irritée. « Enfin, où est-il ? » disait-il. « Je veux le voir. Je lui avais défendu de sortir le soir. »« Je n'en sais rien, » disait la vieille femme d'un ton désolé. « Vous n'avez donc aucune autorité sur lui ? Il paraît pourtant que vous aimez beaucoup. »« Ah, certes, mais quand il grandit, l'oiseau s'échappe du nid. Il a 20 ans maintenant. Que voulez-vous que fasse une pauvre vieille comme moi pour tenir à la maison un écervelé ?»« Oui, je sais. Et s'il se contentait de courir les rues, je ne m'en plaindrais pas trop. C'est de son âge. Mais ce qui m'attriste, ce qui m'afflige, c'est cette exaltation anti-républicaine. C'est cette fréquentation de muscadins, les pires ennemis du régime auquel j'appartiens. » C'est ce que je sais et ce que je devine. Malgré mes prières et mes menaces, Félix travaille à se perdre, et moi peut-être avec lui. Je suis sûr qu'il est affilié au club royaliste. Il est peut-être ce soir en conférence avec les émissaires de la tyrannie qui apportent ici des ordres venus d'Angleterre. On joue sa tête à ce jeu, Marianne. Seigneur, espérons qu'il va devenir plus sage. Non, voyez-vous, c'est le sang de sa mère. Il est comme elle, exalté, orgueilleux, volontaire. Que lui importe le danger ? Que lui importe ce que je suis, ce que je lui demande ? Pourvu qu'il fronde le comité du salut public, les jacobins et les sections, il s'inquiète peu de ce qu'il trouve derrière. Il est jeune. Oui, jeune. Il ne sait pas ce que c'est que la haine, l'envie, l'ambition des autres, qui nous guettent au détour de chaque rue. Il n'a connu encore de la lutte que les tentantes escarmouches, amusantes comme le fruit défendu. Ah, puisse-t-il, inconnu et faible, n'avoir pas d'ennemi acharné à sa perte ? Adieu, Marianne, ajouta-t-il après un silence. Dites-lui que je reviendrai dans 5 jours, et que je veux le voir ici. Il sortait. Dubief et son guide se jetèrent vivement dans un massif pour n'être pas vus. Dubief demanda à voix basse. Quel est donc ce jeune homme qui l'intéresse tant ? Tu n'as pas compris, c'est son fils. Dubief étouffa un cri. Son fils ! Son fils, ah, voilà qui me paiera bien cher son injure. Chapitre 6e. Au début de la séance du comité, le décalé suivant, Dubief réclama l'attention de ses collègues pour une communication importante. Il s'agissait d'un convoi de suspects envoyé aux colonies et parti la veille du port de Nantes. 150 individus, de tous âges, avaient été embarqués, les plus compromis à destination de la Guyane. Les simples suspects, ceux pour qui un éloignement temporaire était jugé suffisant, avaient pu demander avant leur départ l'autorisation de s'arrêter aux Antilles. Dubief citait des noms, indiquait des motifs, notait les destinations. Ses collègues approuvaient de la tête et du geste avec indifférence. Ils étaient accoutumés à ces rapports, qui étaient pour eux besogne presque journalière. « J'ai cru devoir prendre sur moi, vu l'urgence, ajouta Dubief, de joindre à cet envoi un jeune aristocrate qui m'a été signalé comme particulièrement dangereux pour la sûreté publique. C'est un exalté très remuant, affilié à tous les royalistes, à tous les mécontents. « C'est fort bien, » dit un des membres. « Tu as bien mérité de la patrie, » ajouta un autre. « J'étais sûr de votre approbation, citoyen. Aussi, sans vous consulter, l'ai-je fait saisir avant-hier matin. Nos agents se sont présentés à sa retraite rue de l'Estrapade, et le soir même, il était au Havre. » À ces mots, Cazenac eut une angoisse au cœur. « Rue de l'Estrapade ? » s'exclama-t-il. « Oui, rue de l'Estrapade, » reprit Dubief avec un mauvais sourire. Il se cachait avec une vieille gouvernante dans une maison isolée, au milieu d'arbres touffus, un vrai nid à conspirateurs. « Et son nom ? Son nom ?» demanda Cazenac d'une voix étouffée. « Son nom ? Il n'en a pas, prétend-il. Il n'a qu'un prénom, Félix. « Oh Dieu ! Dubief, citoyen, mes chers collègues ! Je ne sais plus. Ma raison s'égare. Ce jeune homme, cet enfant, eh bien, c'est mon fils. Pardonnez-lui. Faites-lui grâce. C'est un imprudent. Et la leçon lui profitera. Par pitié, rendez-le-moi. » Il y eut un moment d'embarras parmi les membres du comité. Cazenac avait trouvé des accents si vrais, et la situation était tellement poignante, qu'un courant sympathique se manifesta dans ces âmes pourtant si fortement trempées. C'était la première fois que la terrible loi des suspects atteignait ainsi l'un des leurs, et qu'ils se rendaient compte par les pleurs de ce père de la cruauté de leur conduite de chaque jour. L'un des plus écoutés parmi les membres du comité prit la parole pour traduire le sentiment de pitié qui se faisait jour. « Certes, dit-il, il est regrettable de voir dans la famille d'un des membres dirigeants de la République de semblables égarements. Cependant, eu égard au service rendu à la patrie par notre collègue, on pourrait atténuer la peine. « C'est impossible, » dit Dubief d'une voix sèche et incisive. Je ne pouvais supposer un tel lien entre Cazenac et ce conspirateur, et, vu son importance, j'ai dû prendre des mesures d'exception. Le capitaine de vaisseau a emporté des ordres secrets qu'il ouvrira seulement en passant la ligne. À ce moment, Félix, l'aristocrate, le correspondant des pires ennemis de la République, sera fusillé. Un mouvement d'horreur et de compassion courut autour de la table. « Je le regrette, » continua Dubief, « mais il n'y a plus rien à faire. Le vaisseau a trop d'avance. » On ne peut le rejoindre. Dans 8 jours, dans 10 jours peut-être, l'ordre recevra son exécution. » Cazenac regardait fixement, les yeux dilatés, comme ne pouvant comprendre encore. « D'ailleurs, dit son ennemi pour conclure, j'ai fait mon devoir, et je compte sur l'approbation de tous les vrais patriotes, qui se souviendront que la famille n'est rien devant l'intérêt supérieur de la République. L'histoire apportera à notre malheureux collègue des consolations. Ne nous apprend-elle pas qu'à Rome, un consul, ayant appris que ses fils conspiraient contre la République, les fit mettre à mort devant lui et sacrifia l'amour paternel au devoir envers la patrie. Que Cazenac se souvienne de Brutus !» Ce mot à double entente fit frissonner l'auditoire. Il avait été dit avec un tel accent de haine qu'on ne pouvait se méprendre sur son sens véritable. Cazenac se leva pour se jeter sur son rival. Dubief s'échappa dans l'escalier de la salle des séances. Cazenac l'y rattrapa, le prit à la gorge, prêt à l'étrangler. Mais soudain, ses mains se détendirent, ses bras retombèrent, il se sauva comme un fou. Fou il ne l'était pas encore, mais il le devint quelques jours après, devant cette épouvantable torture de penser que son fils si cher, qu'il venait de serrer dans ses bras, était vivant, plein de force et de foi, et que, à un moment précis, il serait tué, sans que son père, si puissant et craint, pût rien tenter pour le sauver. Ainsi s'achève une plaisanterie sous la terreur par Gaston Cerbère.